La récupération spirituelle, enregistrement pour le mois de septembre 2022. En fait, ce que j'observe, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a des forces spirituelles qui cherchent constamment à nous récupérer à différents niveaux. Et à quelque part, ça me contrarie, ça me met en colère parce que j'ai tout le temps l'impression qu'on cherche à me manipuler en ce sens-là, ou régulièrement tout au moins. Et puis, par rapport à ça, c'est tout le temps de regarder les forces qui sont en jeu. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a partagé sur Facebook une annonce par rapport à un chat au Québec. Parce que, bon, il y a un chat qui a besoin d'être adopté. Et puis, bon, j'ai perdu mon chat il y a plusieurs jours. Probablement que la personne a voulu bien faire en me partageant cette annonce-là dans l'optique que peut-être que j'adopte le chat. Donc, on avait des photos du chat, etc. Et quand j'ai reçu cette annonce-là, ça m'a mis en colère. Je n'étais pas contrarié contre la personne. Elle a voulu sans doute bien faire. Mais j'étais en colère par rapport à la spiritualité qui émergeait en moi. Et c'est sûr que moi, suite au décès d'un chat, parce que je l'ai eu quand même pendant près de 16 ans, ma volonté suite à son décès, c'est de ne pas réavoir de chat à court terme. Donc, je reçois l'annonce, puis là, c'est sûr que le principe énergétique derrière l'annonce, si j'aurais accepté de donner suite, c'était un principe spirituel en disant « Ah, ben le chat, il fait pitié, il a besoin d'être adopté, il n'y a pas de maître, je vais aller le sauver ». Et là, je sentais une lourdeur énergétique derrière ce type de mouvement-là, si j'aurais été de l'avant. Et j'ai maintenu dans ma volonté, non, ma volonté à la base suite au décès du chat que j'ai eu pendant plusieurs années, auquel j'ai fait allusion dans des enregistrements récents, c'est de ne pas en avoir à court terme, donc de me tenir à ça. Donc, il faut que ma volonté soit plus ferme que la vibration spirituelle de vouloir jouer au sauveur. Et bon, c'est sûr que j'ai dit à la personne poliment là, que je ne suis pas intéressé à avoir un chat à court terme, puis ça s'est conclu comme ça, tout simplement. Mais cet petit incident m'a amené à réaliser que la spiritualité et les entités spirituelles qui s'expriment à travers des êtres humains peuvent chercher continuellement à nous récupérer dans des mouvements spirituels qui vont dilapider nos énergies vitales par rapport à certaines choses. Récemment, j'ai eu à intervenir pour mettre en garde une personne de mon environnement. Donc, lorsque j'ai été chez cette personne, au fil du temps, j'observe de plus en plus de bibelots, de statues à caractère de nouvel âge chez elle. Elle a une amie. Qui est dans le domaine de la haute spiritualité, le nouvel âge, qui lui donne, à un moment donné, récemment, « Ah, j'ai vu, il y a une statue de Bouddha. » Il y a quelques semaines, « Ah, c'était une pyramide. » Ensuite, une image à caractère angélique. Donc, il y a plein d'éléments à caractère nouvel âgeux qui changent progressivement le lieu de son logement. Et j'ai eu à la mettre en garde par rapport à la colonisation psychique des forces astrales. Parce que son ami est dans la haute spiritualité, elle véhicule des valeurs de haute spiritualité, gentille avec elle. Et j'ai eu à intervenir pour lui dire, regarde, ton logement est en train de changer et j'ai l'impression qu'il s'opère chez toi une colonisation spirituelle, dans le sens que ton ami véhicule des forces spirituelles, puis elle veut bien faire, elle te fait des cadeaux en ce sens-là, une statue de Bouddha, une statue à caractère angélique, ainsi de suite. J'ai dit, tu veux pas te ramasser avec un musée, avec des bibelots spirituels ou ressembler à quelque part à une espèce de lieu de haute spiritualité. À un moment donné, toi, évaluer le mouvement. Et j'y ai posé la question, j'ai dit, ces bibelots-là, ces choses-là, est-ce que tu veux ça? Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a dit, ben, elle est gentille, cette amie-là, elle m'aide. Puis c'est vrai qu'elle l'aide, parce que dans le fond... Et c'est une personne qui l'a aidé à faire certains travaux du quotidien, certaines tâches, oui. Mais c'est pas parce qu'elle l'aide qu'elle doit accepter nécessairement tout le décorum de la spiritualité qu'elle porte en elle. Là. Donc, et j'ai revenu à la charge pour lui poser la question, puis elle n'a pas voulu répondre. Je ne vais pas insister plus. Mais derrière ça, je l'ai mis en garde quand même par rapport au phénomène de colonisation astrale, c'est-à-dire que l'astral va chercher par différents bibelots, différents éléments, à envahir un espace de vie. Et ma mise en garde a été faite, je ne dépense pas plus d'énergie, mais moi, personnellement, c'était ma maison, que quelqu'un voudrait bien faire spirituel, qui voudrait me donner des cadeaux là, de statues une fois de temps en temps. Bon, la première fois, je dirais, écoute, non poliment, puis tu sais, je serais très courtois. Ensuite, la deuxième fois, je montrerai en intensité, puis encore plus la troisième fois, parce qu'à un moment donné, le lieu de vie qu'on a, il doit être sous notre vibration. C'est pas normal qu'il y ait une forme de colonisation spirituelle qui s'opère pour le changer et l'amener sous l'influence d'entités astrales. Si on le désire pas, bon, si la personne vibre à une autre spiritualité, la personne que je parle, elle vibre plus à une forme de spiritualité que moi. Bon, si ça ne lui crée pas trop d'inconfort énergétique, ça y appartient, mais à un moment donné, quelqu'un qui monte en vibration, il a à se détacher du support de forme et de concept astral qui peuvent être évoqués par ces dernières. Pourquoi? Ben, pour œuvrer à partir de l'autorité de sa propre conscience, sans support des maîtres spirituels qui sont invoqués dans les statues de Bouddha ou les entités angéliques avec les statues d'anges, d'êtres humains avec des ailes. Donc, c'est ça, c'est un phénomène très subtil et pernicieux parce que ça peut s'opérer sur plusieurs semaines. Au début, je parlais pas trop. Là, à un moment donné, j'en vois un, puis il y a un effet cumulatif. C'est comme l'approche des petits pas. Et c'est ça. Sinon, ce que je vous dirais, c'est que suite au décès de mon chat, ce qui s'est particulier comme événement qui a eu cours dans ma vie, c'est que la journée où ce que j'ai assisté à l'euthanasie de mon chat parce qu'il était gravement malade, bien, qu'est-ce qui s'est passé en soirée? C'est que j'avais descendu un demi-morceau de poisson que j'avais acheté à l'épicerie pour le faire décongeler. Et bon, on a la moitié du poisson là, à part la tête, là. Et ma petite voix intérieure, au moment de manger le poisson, parce que j'avais assisté au décès de mon chat pendant l'après-midi, la soirée, je mange, puis là, ça m'avait fait, moi puis ma compagne, quand on a accompagné le chat dans le passage vers la mort, c'est-à-dire l'euthanasie, ma compagne a pleuré un peu, moi j'étais avec les larmes aux yeux, j'ai peut-être versé une ou deux larmes, ça m'avait fait quelque chose, puis ma petite voix intérieure... Au moment de manger la moitié du poisson, elle m'a dit « Ben regarde, le poisson, c'est un être vivant aussi comme ton chat, mais pourtant, ça ne t'émotive pas autant. » Et ça m'a ramené au phénomène de l'attachement émotionnel. Le phénomène de l'attachement émotionnel, c'est qu'on donne beaucoup d'importance à un être vivant particulier comme un chat, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que couramment, on peut manger différents êtres vivants, comme la moitié d'un poisson. Là, on voyait clairement la carcasse du poisson. Tu sais, c'était pas comme une espèce de boulet informe. Non, non. Là, on voit clairement que je mange un autre vivant. Ma petite voix me dit ça t'émeut pas. Il y a un être humain, pas un être humain, mais un poisson qui est mort, mais la mort de ton chat t'émeut. Puis quand que tu manges des œufs, tu sais, ça t'émeut pas alors que c'est une vie en potentiel, et ainsi de suite. Donc, la relativité de l'attachement émotionnel va faire en sorte qu'on va s'attacher par rapport à une espèce de forme de vie, mais on peut participer à... Dans la vie, on participe lorsqu'on mange, que ce soit de la viande ou que ce soit des végétaux. En réalité, on est associé à la mort de différents êtres vivants qu'on consomme. Puis si on avait à se mettre à pleurer par rapport à chaque être qu'on consomme, on passerait notre temps à pleurer. Par rapport à toute cette exposition à la mort. Et tout ça pour dire que, par rapport à l'événement du décès de mon chat, au niveau de mon esprit, il y a une dimension de moi-même qui est restée froid par rapport à ça, dans le sens qu'elle est très détachée par rapport au chat. Et sinon, ce que j'observe dans ma vie, c'est que à un moment donné, tu sais, il nous vient en tête des fois des idées bizarres, mais ça peut être des idées aussi intelligentes. Donc, dans le sens que quand mon chat, quelque temps avant qu'il meure, il avait arrêté de manger. Et moi, je me suis dit, il fait peut-être de l'autophagie en pratiquant un jeûne volontaire pour... amener, parce qu'il y avait une masse, et c'est sûr que Il y a des gens qui vont, par exemple, pratiquer le jeûne dans l'optique que le fait de ne pas alimenter l'ensemble des cellules et va faire en sorte que ça va amener l'organisme à manger, à détruire, à s'alimenter des cellules qui sont plus faibles. Donc, des cellules qui sont dysfonctionnelles, des cellules qui sont usées, voire des cellules cancérigènes. Donc, dans le phénomène de l'autophagie. Donc, par rapport à tout ça, je regardais ça, puis l'idée m'était venue en tête. Serait-ce possible que le chat fait de l'autophagie? Parce que dans les jours qui ont précédé sa mort, il arrêtait de manger. Mais non, c'était pas ça qui arrivait. C'est-à-dire, ce qui arrivait, c'est que le chat, par rapport à sa situation, comme l'avait vu la vétérinaire, c'est qu'il faisait de l'insuffisance rénale. Donc, si un animal fait de l'insuffisance rénale, ça veut dire que les reins ne fonctionnent pas adéquatement pour filtrer les éléments qui sont absorbés et que progressivement, l'animal est en train de s'empoisonner avec la nourriture parce que les éléments qu'il compose, parce que tout ça, c'est pas assez filtré. Et en lien avec ça, ben, ça mène l'animal à avoir des nausées. S'il y a des nausées, ça ne donne pas le goût de manger là, naturellement en réaction à ça. Et par rapport à ça, quelques jours après du décès du chat, ça me dit intérieurement d'aller voir mes notes que j'avais prises. Parce que j'avais écouté au fil du temps de nombreuses vidéos de Thierry Casasnovas, dont vous pouvez retrouver sur YouTube. Il a fait une quantité très grande de vidéos. Lui, il parle de santé, de mieux-être, et ça m'avait dit d'aller voir qu'est-ce qui était marqué, parce que le chat que j'ai, il avait été diagnostiqué à partir d'un prélèvement, une tumeur, et j'ai été voir qu'est-ce qui était marqué par rapport à la tumeur. Et j'avais pris des notes par rapport à ça, parce que naturellement, c'est un aspect qu'il avait étudié. Et les notes que j'avais prises, c'était qu'une tumeur est le symptôme, signal de l'accumulation de déchets dans le corps. La tumeur est le résultat de la mise en quarantaine de déchets pour les isoler et les protéger des autres organes. Il était question que, dans sa vision, son approche, Thierry, la priorité n'est pas de supprimer la tumeur, mais d'évacuer tous les déchets qui vont l'engendrer dans l'organisme et elle va disparaître. Supprimer le signal ne réglera jamais le problème de fond, donc le symptôme n'est que la manifestation d'une tentative du corps de s'adapter à un désordre. Donc, par rapport à ça, cette notion-là, en leur lisant, faisait sens par rapport à l'insuffisance rénale, dans le sens que si mon chat, dans les derniers moments de sa vie, faisait de l'insuffisance rénale, et il y a une tumeur, il y a une bosse qui est apparue là, proche d'une de ses pattes, bon, ben, c'était le signal qu'il y avait l'accumulation de déchets dans le corps. C'est sûr que si les reins ne fonctionnent pas comme il faut de l'animal, les déchets vont s'accumuler parce que à ce moment-là, la filtration que faisaient les reins ne s'opère pas adéquatement et ça génère donc des déchets. Et il y a le phénomène d'isolation des déchets en quarantaine pour protéger les autres organes, ben, ça pouvait s'opérer à travers le phénomène de la tumeur qu'avait le chat. Fait que ça faisait sens. Mais, des fois, on a des idées intelligentes qui donnent des pistes d'explication, puis des fois moins, comme la piste de l'autophagie, ça ne l'était pas, tandis que la piste d'une tumeur en lien, en réaction par rapport à, comme je le lisais, là, tu sais, une mise en quarantaine de déchets, par rapport à l'accumulation de déchets, ben oui, c'est sûr, si les reins ne fonctionnent pas, il y a des déchets qui vont s'accumuler, parce que la filtration ne s'opère pas comme il faut, c'est logique. Donc, il y a toutes sortes d'idées en tête qui peuvent venir d'explications, d'où l'importance du discernement. Mais la colonisation spirituelle, c'est un phénomène très subtil et pernicieux qui peut s'opérer dans la vie de tout le monde. Moi-même, au fil du temps, j'ai été colonisé par des forces spirituelles à plusieurs reprises. Depuis mon enfance, j'ai connu des assauts multiples de forces à caractère spirituel qui ont voulu prendre d'assaut ma psyché. Et j'ai l'impression que c'est pas fini. Pourquoi? Ben, parce que derrière ces forces-là, il y a une volonté de prendre de l'expansion, d'influencer les individus, d'y rallier à un agenda. Et les forces spirituelles Ce qu'elles font, c'est qu'elles coupent l'individu du réel qu'il porte en lui. Donc, ça crée des ondes d'ombrage. Mais c'est difficile de se détacher des forces spirituelles dans le sens qu'il faut être capable de supporter la réalité à l'état brut. Et c'est pas toujours facile. Parce que la réalité fait pas toujours plaisir à l'ego. Et c'est sûr que l'un des mécanismes de défense qu'a l'ego, c'est la fuite dans l'imaginaire par rapport à une situation qui n'est pas capable de contenir, qui n'est pas capable d'assumer consciemment. Donc, la fuite dans l'imaginaire, c'est être confronté, par exemple, à une situation difficile, puis là, la personne va se réfugier dans un imaginaire où il y a des êtres de lumière qui sont là pour lui faire plaisir, pour veiller sur lui, etc. Donc, ça lui donne une forme d'apaisement de s'imaginer que les anges veillent sur lui ou veillent à son domicile pour que ce soit un lieu paisible. Donc, l'idée que des forces spirituelles qui sont des anges gardiens, qui surveillent l'individu, peut lui donner une forme d'apaisement psychologique. Par contre, c'est pas parce qu'il croit à ça qu'il va vivre nécessairement la paix de l'esprit. Puis s'il croit à ça, il donne l'importance à des forces externes à lui, eh bien, ça le garde dans un état de dépendance, il n'est pas libre. Tant que l'individu va vouer un culte aux forces angéliques, eh bien, à ce moment-là, l'individu n'est pas dans son identité. Et se supporter soi-même dans son identité, ce n'est pas évident parce que, premièrement, les gens n'ont pas été ou rarement éduqués en ce sens-là. Moi, dans mon passé, j'ai eu une éducation chrétienne, plus spécifiquement dans la branche du catholicisme, étant né au Québec. Et c'est sûr que le deuil de la spiritualité associée à la religiosité chez moi n'est pas nécessairement évident. Donc, j'ai baigné à travers l'éducation familiale dans l'idée que les anges veillent sur nous. Donc, cette façon de penser qui donne un certain sentiment de sécurité, de s'en dégager pour être capable d'assumer le réel pour ce qui est, c'est pas nécessairement facile. Ça demande un travail de déprogrammation, de déconditionnement. Et aussi, ça demande des deuils parce que on peut vivre une forme d'illusion de support spirituel en relation avec des entités angéliques qu'on croit qui sont là pour nous surveiller. Puis quand on vit des chocs de vie ou qu'on demande des choses intérieurement, puis ça ne s'actualise pas, bien c'est là qu'à un moment donné, on est appelé à remettre en question tout le recueil de croyances auxquelles on pouvait adhérer dans notre passé. Dans le sens que si on croit que les entités angéliques sont là pour nous faire plaisir, veiller sur nous, et que finalement, bien, ça ne s'actualise pas comme on le croyait, bien là, à un moment donné, il va falloir remettre en question toutes ces croyances-là, s'en détacher, à la lumière de notre vécu, puis c'est pas évident, puis c'est sûr qu'on peut faire des rechutes, surtout si la programmation a été intense dans le passé, elle a été forte. Mais c'est à l'individu lui-même de se sortir de sa spiritualité. Le collectif peut pas le faire à sa place. Et puis, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'il y a un temps de saturation. Dans le sens que quelqu'un peut être exposé à des forces spirituelles et puis si la personne ne souffre pas des limites de ses croyances, ben pourquoi les changer ou y mettre fin? Donc, c'est à chaque personne, lorsque le temps est venu, advenant que ça arrive, d'être capable de couper les ponts avec la haute spiritualité. Et c'est sûr que quelqu'un qui se veut détacher de la haute spiritualité, il peut être récupéré par des sentiments de culpabilité à différents niveaux. Dans le sens que, à un moment donné, j'avais discuté avec une personne qui avait annoncé, alors qu'elle n'était pas bien dans un emploi, qu'elle quittait l'emploi. Et puis, la personne, quand elle annonçait qu'elle quittait l'emploi, bien, il y a une personne de son milieu de travail qui lui a dit, « Ben là, tu ne peux pas nous laisser comme ça, tu es une personne indispensable, tu as plusieurs années d'expérience, etc. » Puis la personne lui proposait même d'améliorer son poste. Et là, c'est sûr que je voyais derrière ça le mouvement des forces spirituelles qui cherchent à garder un individu et l'autre personne qui cherche à s'émanciper, puis l'autre à sentait un peu mal à l'aise de continuer en son mouvement, donc à vibrer à une espèce d'état d'ambivalence en lieu de la culpabilité. Mais c'est sûr que de délaisser des forces spirituelles, un peu comme faire un sevrage d'une drogue qui rend accro, qui rend dépendant, c'est pas évident, puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ensuite, c'est sûr que le travail d'intégration de la conscience est toujours individuel. Et c'est sûr qu'un des bons moyens d'y arriver, c'est d'explorer, d'étudier les énergies qui sont derrière nos agissements, nos comportements. Est-ce qu'on agit en fonction de la peur? Est-ce qu'on agit en fonction de la culpabilité? On peut étudier toutes les actions qu'on a dans notre quotidien pour amener éventuellement une épuration énergétique puis modifier les actions qui manquent d'ajustement. Et ça, c'est le défi d'intégration dans la vie de tous les jours. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui s'ajustent avec un temps d'intégration, dans le sens que de parler d'une manière plus détachée, par exemple, lorsque quelqu'un vit un deuil par rapport à un animal. Donc, quand que ça fait plusieurs jours que l'animal est décédé, c'est plus facile que lorsque l'animal décède dans les secondes qui suivent. Si la personne a un attachement émotionnel par rapport à un animal donné, mais la remise en contexte de la vie de l'animal, si on est capable de regarder la réalité froidement, que dans le fond, notre alimentation en tant qu'être humain, tant qu'on mange de la nourriture physique, surtout si on mange des animaux décédés, que ce soit des poissons, des crabes, etc. Donc, même si on a une diète méditerranéenne et on ne mange pas du bœuf, ben, y a quand même, ça implique quand même le décès d'être vivant. Et tant qu'on ne se nourrit pas de lumière, ben, à ce moment-là, on est confronté à ça. Si je vais voir par en dedans, est-ce que je peux me nourrir essentiellement de la lumière? La réponse, c'est non. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas à me sentir coupable de m'alimenter ou de manger du vivant, car je n'ai d'autre choix. Donc, mais le mouvement de la spiritualité associé au végétarisme, le végétalisme, peut nous amener à nous sentir coupables de manger des animaux, du vivant. Moi-même, j'ai été influencé à un certain niveau par rapport à ça. Et là, je suis un peu plus détaché par rapport à cette mouvance-là, parce que je vois ça, dans le fond, dans mon imagerie mentale, c'est comme l'influence d'éléments qui cherche à interférence dans mon fonctionnement au quotidien, puis ça me crée une lourdeur énergétique. Donc, d'être soumis à un agenda végétarien, un agenda, une idéologie qui va dans ce sens-là, pour moi, ça manque d'ajustement. Et à un moment donné, ça me dit intérieurement que le temps était venu de me sortir des habitudes, de la routine. Et c'est sûr que chaque personne a à regarder ce qu'il y a à faire ou non. Suivre une vibration, c'est d'œuvrer au-delà des idéologies, au-delà des formes existantes, pour suivre un mouvement qui émerge, œuvrer à partir d'un vide créatif. C'est sûr que ce n'est pas évident. C'est un défi dans la vie de tous les jours. Au moment où je vous parle, c'est sûr que, bon, j'ai eu le décès de mon animal de compagnie. Là, mon moral est plus ajusté par rapport à ça. Je regarde les choses avec plus de recul. Et mon regard aujourd'hui par rapport à l'événement, c'est sûr que je ne me procurerai pas de sitôt un animal. Là, dans le fond, je m'apprête à avoir un enfant. Fait que l'animal, dans le fond, quand j'ai vécu pendant quelques années seul, essentiellement en logement, puis il y avait les confinements. L'animal a eu une très belle fonction dans ma vie, c'est-à-dire que quand j'allais le flatter, le caresser, il m'amenait à générer l'hormone de l'ocytocine qui crée un état de calme, d'apaisement. Lorsqu'on va flatter un animal, on le prend dans ses bras. Donc, il peut diminuer la production du cortisol qui est associé au stress, à l'anxiété. Donc, c'était une période où les nouvelles étaient extrêmement anxiogène en lien avec la crise sanitaire là, qui avait cours. Et le chat, dans le fond, en me permettant de sécréter l'hormone de l'ocytocine, ben, ça m'a aidé. Quand que je regarde les choses avec ma conscience, bon, ben là, c'est sûr que je vais avoir un enfant bientôt. C'est sûr que les échanges d'ocytocine, que ce soit mon enfant ou ma compagne, ils vont en avoir. Dans le sens que, tu sais, je vais pouvoir leur toucher, prendre le bébé dans mes bras ou ma compagne. Donc, ce besoin-là, pas besoin d'animal de compagnie pour y répondre. Par contre, c'est sûr, si un jour, pour une raison que j'ignore, je ne suis plus avec ma compagne, ou j'ai plus accès au bébé ou à la garde de l'enfant, ben là, puis je suis tout seul, ben c'est sûr, si je suis tout seul d'avoir un chat, ne serait-ce qu'au niveau scientifique, en m'appuyant sur le principe très carré de la régulation des hormones par rapport au toucher. Donc, d'avoir un animal à ma compagnie pour favoriser la sécrétion de cytocine et donc vivre un minimum de contact. En effet, ça pourrait être utile d'avoir un chat. Mais là, je l'aurais, le chat, en raison que le chat me permettrait de répondre à un besoin dans ma vie en vue de stabiliser mon état d'humeur. Donc, diminuer l'état de stress que je peux vivre au quotidien, advenant que je vis du stress, etc. Puis vivre un état qui donne une forme de détente ou d'apaisement, un peu comme quelqu'un qui reçoit un massage. Donc, pour le bienfait thérapeutique que j'aurais un chat, c'est pas pour la volonté, parce qu'il y a un chat que là, il a besoin d'être adopté pour le sauver. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y en a un, si on veut sauver le chat, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est de la spiritualité. Tandis que si on veut un chat parce que ça répond à un besoin dans notre vie qui nous permet de favoriser un équilibre plus grand de notre épanouissement, un équilibre plus grand énergétique, c'est pas pareil. Donc, moi, je regarde l'évolution de mes réactions, c'est-à-dire suite au décès de mon chat, je dis « Ah non, non, j'en veux plus de chat, nanana », puis j'étais très émotif. Là, finalement, avec le temps, ben, s'il y a tel concours de circonstances, oui, parce que le chat favoriserait ma santé, ma cohérence. Donc, à ce moment-là, ça serait intelligent. Fait qu'avec le temps, ma réaction a du recul, puis probablement que si je fais un autre enregistrement dans mon rapport suite au décès au chat dans quelques mois, ben, mon propos aura encore changé. Pourquoi? Ben, parce qu'au fil du temps, on s'ajuste, puis on est travaillé par rapport à des états vibratoires, des états énergétiques, des prises de conscience qui nous modifient notre psyché. Mais par rapport à la colonisation spirituelle, ben, moi, ce que je vois, c'est que souvent les gens, quand ils sont confrontés à des situations difficiles, moi-même, à un certain niveau, j'ai embarqué là-dedans quand que je l'étudie, dans le sens que quand que mon chat était malade, j'ai voulu bien faire, j'ai voulu me référer au collectif, puis faire une tentative d'expérience en relation avec la physique quantique j'avais fait une vidéo, ce que je proposais aux gens de regarder le chat et de visualiser que le chat en envoyant sur Internet, en fait, c'est une vidéo où on voyait mon chat malade, que le chat était en santé, parce que le regard, dans un certain niveau, est constitutif. Mais derrière ça, il y avait le désir chez moi que le chat guérisse. Et ce désir-là pouvait être mis en relation avec une forme de spiritualité. Au moment que j'ai fait ça, je ne me suis pas posé la question, est-ce que, dans le fond, c'était une conduite qui était ajustée vibratoirement, à quel point par rapport à mon esprit. Non, je n'étais pas intéressé à discuter avec mon esprit, j'étais intéressé à ce que mon chat guérisse. Je suis sûr qu'en même temps, j'étais autocritique dans le sens que, comme je l'avais dit dans la vidéo, j'ai dit, dans le fond, comme on dit, j'ai plus rien à perdre à ce statut. Le chat est en train de dépérir. Ma volonté, c'est que le chat soit en santé. Et bon, ça n'a pas fonctionné. Le chat n'a pas guéri. Par contre, quand j'ai été voir à l'intérieur de moi par la suite au niveau de mon esprit, ce que ça me dit, puis ce n'est pas nécessairement intéressant dans le sens que ça ne fait pas plaisir à mon ego, c'est que le chat soit vivant ou pas vivant, ça t'empêche pas d'évoluer. Ça t'empêche pas de faire des prises de conscience. C'est pas nécessaire que le chat soit vivant. Pour que tu développes en tant qu'individualité. Donc, l'esprit, c'est très froid. L'esprit, c'est très pragmatique. pragmatique. Puis de se faire dire des choses comme ça, c'est pas nécessairement agréable. Et c'est très une vision fonctionnaliste, dans le sens que si un individu a une utilité dans ta vie, ben ils vont s'organiser pour que tu sois présent dans ta vie, pour que tu te rééquilibres ou que tu t'ajustes. Mais si tu es ajusté et que tu n'as pas besoin de l'individu ou de l'animal de compagnie, ben à ce moment-là, c'est pas nécessaire. Donc, chaque chose a une utilité, a une fonction, tout dépendant de l'individu. Et d'en faire l'étude, c'est pas nécessairement rose bonbon, comme on dit. Puis, c'est sûr aussi, dans la spiritualité, on peut tendance à vouloir projeter des désirs humains sur l'animal, dans le sens qu'on voit un animal qui est malade. Le désir humain, c'est que nous autres, on peut vouloir que l'animal guérisse. Mais comme me l'avait dit, il y avait quelqu'un qui m'avait fait le message, il dit « Est-ce que l'animal, son propos, ça revenait à dire « Est-ce que l'animal veut guérir? » Toi, tu prends pour acquis parce que tu le vois qu'il est malade, qu'il veut nécessairement guérir. Or, ça reste à voir. On n'est pas dans la tête de l'animal. Donc, tout ça, c'est subtil. Mais le désir spirituel, c'est souvent quelque chose qui amène une forme d'aveuglement. Il y a des gens qui vont vouloir amener d'autres personnes à guérir. Parce qu'eux autres, s'ils étaient malades, ils voudraient guérir, alors qu'en réalité, ça se peut que certaines personnes qui ne veulent pas guérir, il ne faut rien prendre pour acquis. Tout ça, c'est délicat et subtil. Puis il y a des raisons de programmation derrière les différentes choses qui arrivent, puis il y a des lois d'énergie aussi. Pour faire face intelligemment à la colonisation spirituelle, ben, c'est de regarder vibratoirement derrière les pensées, les actions, c'est quoi le plan d'énergie qui alimente cela. Si on voit qu'il y a une lourdeur énergétique derrière des pensées, des actions, on voit à ce moment-là que ce n'est pas ajusté par rapport à l'esprit, parce que l'esprit, lorsque l'action émane de l'esprit ou la pensée, il y a toujours une forme de légèreté associée à une vibration qui est élevée, une vitalité, une forme de dynamisme qui imprègne cela. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.